Souffrez pour vous parler, madame. Qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment et se découvre à vous de la sincère flamme. Tout beau! Gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements et ne m'expliquez point par un autre langage des désirs qui, chez moi, passent pour un outrage. Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes abats, mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Je puis fermer les yeux sur vos flammes secrètes tant que vous vous tiendrez aux muets interprètes. Mais si la bouche vient à s'en vouloir mêler, pour jamais de ma vue il vous faut exiler. Débrochez de mon cœur, ne prenez point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme. Et je viens ardemment conjurer vos bontés de seconder l'amour que j'ai pour ces beautés. Ah, certes, le détour est d'esprit, je l'avoue. Ce subtil faux fuyant mérite qu'on le loue. Et dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, je n'ai rien rencontré de plus ingénieux. Ceci n'est point du tout un trait d'esprit, madame. Et c'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur, aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur. Henriette me tient sous son aimable empire. Et l'hymen d'Henriette est le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup, et tout ce que je veux, c'est que vous y daignez favoriser mes voeux. Je vois où doucement veut aller la demande, et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. La figure est à droite, et pour n'en point sortir aux choses que mon cœur m'offre à vous repartir, je dirai qu'Henriette, elle humaine et rebelle, et que sans rien prétendre, il faut brûler pour elle. Et madame, à quoi bon un pareil embarras? Et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Mon Dieu, point de façon, cessez de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Il suffit que l'on est contente du détour dont s'est adroitement avisé votre amour et que, sous la figure où le respect l'engage, on veut bien se résoudre à souffrir son hommage, pourvu que ces transports, par l'honneur éclairé, n'offrent à mes hôtels que des vœux épurés. Mais... Adieu! Pour ce coup, ceci doit vous suffire et je vous ai plus dit que je ne vous l'ai dit. Mais votre erreur... Laissez... Je rougis maintenant et ma pudeur se fait un effort surprenant. Je veux être pendu si je vous aime et sage. Non, non, je ne veux rien entendre davantage. Diantre soit de la folle avec ses visions. A-t-on rien vu d'égal à ses préventions? Allons commettre un autre au soin que l'on me donne et prenons le secours d'une sage personne.